بسم الله الرحمن الرحيم. في السؤال ندخل مباشرة في السؤال أو درس 28 28 قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 52 بعد المئة 152 question. هل للشيطان قرون؟ هل الشيطان a des cornes؟ الجواب نعم. فالشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. car le soleil se lève et se couche entre les cornes de entre ses cornes. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taharraw bi salatikum tulu' al-shams wa la ghurubaha fa'inna tatla'u bi karnay shaytan » de ne pas faire de salat au moment où le soleil se lève, ce qu'on appelle le shuruq, et au moment où il se couche, car c'est au moment car il se lève entre les cornes de shaytan. Ça veut dire cela amènerait à ressembler à ce qu'il adore. Et le hadith, il est muttafaqun alayhi. Donc on a des preuves, d'accord, qu'il a des cornes. Après, comment les gens le représentaient, rouge. Il y a des hadiths faibles qui disent que le shaitan aime le rouge. Mais il n'y a rien d'authentique. Qu'il a une fourche, ça, il n'y a pas de dalil. Qu'il a une queue avec une pointe au bout également. Tout ce que vous montre comme histoire là, que vous connaissez, tout cela, ce n'est basé sur aucun dalil. Ce sont que c'est que de la fiction. D'accord ? Ce n'est que de la fiction. À quoi il ressemble ? On ne l'a pas vu. Allah Ta'ala a'lam bi khalqi. قال في السؤال 53 question. ما كان الشيطان من ابن آدم؟ Ah, je reviens pour la question précédente. Ah, je parle de Iblis. Quand même, je parle de Iblis parce que dit que personne que Allah est plus savant de sa création, de sa forme. Je parle de Iblis parce que eux, ils représentent en appelant Satan. Je parle de Iblis et non pas de Shayatin de façon générale. Je précise. طيب. Après il dit où se trouve Shaitan par rapport au fils de Adam, comment il se déplace en lui. قَالَ يَجْرِي مِنْهُ مَجَرِي الدَّمِ. Il parcourt en lui à travers ses veines. À travers ses veines. وَالدَّلِلُ صَفِيَّةِ إِبْنِ حُيَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ يَجْرِي مِنْ إِبْنِ آدَمَ مَجَرِي الدَّمِ. Que Shaitan se parcourt à travers le fils d'Adam comme son sang se déplace dans ses veines. Et le hadith est muttafaqun alayhi. Thumma qala fi su'al arabiya wal khamsin ba'd al mi'a 154e question. Man hum alladhina la sultana li shaytan alayhim? Qui sont ces gens plutôt sur lesquels shaytan n'a aucune autorité, aucune emprise? Qala hum ibadullah al mukhlisin. Ce sont les serviteurs d'Allah qui sont sincères. والدليل قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il dit je vais certes les égarer. Plutôt il a juré par la puissance de son Seigneur, par ta puissance, je jure par ta puissance, que je vais les égarer tous, hormis tes serviteurs sincères. Donc vous voyez les fruits de l'ikhlas, que cela empêche que Shaitan une emprise sur nous, c'est-à-dire une emprise qui nous amène à dévier ou à commettre ce qui peut nous nuire par la suite. Surat Sa'd, verset 82-83. Donc l'ikhlas, principalement, est une condition pour l'acceptation des actions et est une cause de protection de Shaitan sur nous. Qala fi su'al 55 ba'd al-mi'a. 155e question. Hal al-insan shaytan yulazimu? Est-ce que l'humain a un Shaitan qui le suit, qui est lié à lui. Quand les nam, wa al-qarin, ce qu'on appelle al-qarin, c'est le shaitan qui est tout le temps avec toi. Wa dalilu hadith Abdullah ibn Mas'ud, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min al-jin. Que selon Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun d'entre vous, sans qu'il lui ait été attaché, son camarade parmi les djinn. Encore on dit camarade, du fait qu'il est tout le temps avec toi. Qalu wa iyyak, il dit et toi également. Ya Rasulullah, qala wa iyyaya illa anna Allah 'anani 'alayhi fa aslam fa la ya'muruni illa bil khayr. Il dit sauf que Allah Azza wa Jal m'a soutenu en le faisant se soumettre, c'est-à-dire qu'il a été il s'est soumis à l'islam selon une version. Donc il ne m'ordonne de faire que du bien. il ne m'ordonne de ne faire que du bien. Donc les gens, plus ils sont sincères et moins leur shaitan ont de l'emprise contre eux, ou plutôt sur eux. Il y a des invocations également à faire, qui est la seule seulement. On a toujours un mal en nous, et on refrain. Et le seul justement qui puisse en mesure de nous préserver de ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle le tawfiq, que Allah t'accorde les causes et le moyen de pouvoir parvenir à la réussite. Et ce qu'on appelle le aks, qui est le khuzlan, l'abandon, que Allah t'abandonne à toi-même. Et toi-même, tu ne peux rien faire. La preuve, tu seras livré au mal de ton âme et à ton karim qui sera avec toi. Et au mal des gens, et ainsi de suite. Tu seras une proie pour tout shaitan, qu'il soit un être humain ou un djinn. Si Allah t'abandonne, ne te protège pas et ne t'apporte pas le succès. قال في السؤال 56 بعد المئة 156e question. من هو الذي أسلم قرينه؟ Donc ça servait à la question précédente, qui est celui dont le djinn s'est soumis et rentre en islam. Et la réponse est la question précédente, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'en dehors de lui, cela est arrivé à d'autres personnes? Allah a'lam. Il n'y a pas d'empêchement que Allah permette à un de ses alliés, que son shaitan ou son djinn, se soumette. On n'a pas de preuve qu'il dit, ni qu'il le confirme, ni qu'il l'interdise. Allah ta'ala a'lam. Fi su'al as-sabi' al-khamsi ba'd al-mi'a. Hal al-djinn yatashakkalun? Est-ce que les djinns changent de forme? Qala na'am fi su'al kathira, kal-adamiyyin wal-hayawanat, khususan al-aswad minha. Donc il dit, Nam, il peut changer de forme. Il peut avoir la forme d'un homme, ou d'une femme, ou d'animaux, et particulièrement les animaux qui sont de couleur noire. Wa dalilu hadith Abi Tha'laba al-Khushani. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-jinna ala thalathin, fa thuluthun lahum ajniha yatiru fil hawa, wa thuluthun hayyatu wa kilab, wa thuluthun yahullun wa yadhghanun. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que les djinns sont de trois sortes. Ceux qui ont des ailes et qui volent dans les airs. Un tiers qui sont, eux, des serpents ainsi que des chiens. Et ils sont noirs. Et un tiers qui, eux, s'installent et se déplacent de lieu en autre. D'endroit en endroit. Et attention, lorsqu'on a dit surtout les noirs, attention aux mauvais esprits. Ça ne veut pas dire que le djinn, lorsqu'il prend la forme d'un humain, il prend la forme d'un noir. Là, il parle des animaux. Des animaux noirs comme le chien noir, ou kazalik, le serpent, et autre que cela. Que les gens, qu'on les ait même placés, ne disent pas qu'également, quand tu prends la forme d'un être humain, ça va être un noir. Il peut prendre la forme de n'importe quelle personne. En dehors de celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les rêves comme cela, va venir dans les hadiths. Il peut avoir l'apparence d'un noir, d'un blanc, d'un arabe, d'un rouge, de tout autre être humain. Il n'y a aucune condition qui dise qu'il ne prend que l'apparence que d'une personne noire. Ça, c'est propre aux animaux. Non. Et parmi la preuve que le shaitan ne peut prendre l'apparence d'un homme, c'était le hadith d'Abu Huraira, lorsqu'il gardait justement les akawats, qu'un shaitan est venu pour lui demander qu'il lui en donne. Ou plutôt qu'il est venu pour en voler, et qu'Abu Huraira l'a attrapé trois fois de suite. Et qu'il allait le menacer de le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le shaitan lui mentait, lui disait qu'il était un homme pauvre avec une famille à nourrir, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où il lui a dit, la troisième fois, je vais t'apprendre une chose, mais tu me libères. Il lui a appris sur tel kursi. De rester sur ayat et kursi à fond. C'est pas sur tel kursi, c'est ayat et kursi. De rester ayat et kursi avant de dormir, que cela le protégerait justement de shaitan. Et qu'après Abu Huraira, on a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a confirmé. Donc on l'a, sur la caca ou à kazo. Il t'a dit la vérité, il t'a dit vrai, mais c'est un menteur. Donc attention, ce hadith-là n'est pas une preuve qu'on prend la science des gens du Baratil. Abu Huraira n'a pas pris de lui. Juste, il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ce que cet homme lui a dit. Et il ne savait pas que c'était un shaitan également. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, lui a confirmé la chose. Donc la science, c'est la preuve de qui? Du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais pas de ce shaitan sous l'apparence humaine. Et il y a également des hommes, des êtres humains, nous l'avons expliqué, qui sont des shayatines. Il y a des êtres humains qui sont des shayatines. Car Shaitan, à la base, c'est celui qui s'est rebellé. On dira comme ça, traduction à peu près, il y en a celui qui s'est rebellé. Qui se rebelle totalement, qui appelle les gens à faire du mal. ثم قال هل يستطيع الشيطان التمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Est-ce qu'il peut prendre l'apparence, الشيطان prendre l'apparence du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم؟ قال لا, cela n'est pas possible. Dans le hadith d'Abu Huraira, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل شيطان بمتفق عليه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'a vu en rêve me verra éveillé. Ou c'est comme s'il m'avait vu éveillé. Et que le shaitan ne peut prendre mon apparence. Naam. Donc là, ce sont les questions qu'on a pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Alors, Sanazid, Al-Tasir wa al-Khamsin, Bardelmiya. 159e question. Hel el-djinn mukallafoun. Est-ce que les djinns également s'imposent sur eux les charges de la religion? Nakul na'am, également les djinns sont soumis à cela. Comme encore le Ta'ala, wa ma kharaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Donc l'adoration est une chose qui est imposée aux djinns. Na'am, fa sanaqifuna al-yawm, walhamdulillahi rabbil alamin.